إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer dans l'explication de ce qu'on avait commencé à expliquer au sujet de la fitna de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que ça, c'est une des plus grandes fitnes, une parmi les plus grandes que la Ummah a dû à subir. Et ensuite on a mentionné donc des versets et des hadiths à ce sujet-là. Donc on va continuer à lire qu'est-ce que le cheikh a mentionné à ce sujet-là. وَقَدْ جَعَلَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْتَهُ شَرْطًا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَعَلَامَةً مِنْ عَلَامَاتِهَا، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْفِتَنْ تَكْثُرُ قُرْبَ قِيَامِ السَّاعَةِ. Donc le cheikh, il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de sa mort un parmi les signes de la proximité de l'heure du jugement dernier. C'est-à-dire que avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ça, c'est un des signes que l'heure est proche. Que l'heure du jugement est proche. Et on sait très bien que les fitanes vont augmenter plus on approche de la fin des temps, plus qu'on approche de l'heure du jugement dernier. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة فقال عدد اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم ثم استفاضة المال ثم يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقي بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. وبموته صلى الله عليه وسلم ارتفع الأمان عن أهل الأرض وأتى أصحابه ما يعدون من الفتن والبلاء. Donc le cheikh explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith lors de la bataille de Tabouk, il a dit tu dois compter 6 choses qui vont arriver avant la venue de l'heure du jugement dernier. Parmi les 6 choses qu'il a mentionnées, il a commencé par mentionner sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa mort, c'est un des signes du jugement dernier. Et il mentionne même dans un autre hadith, Ana wa sa'a kahatayn. Il a mentionné que lui ainsi que le jugement dernier, ils sont comme ses 2 doigts. C'est-à-dire qu'il y a entre lui et la venue du jugement dernier qu'un petit, une petite distance, un petit espace de temps qui reste. Et après, il a mentionné يعني la conquête de Bayt al-Maqdis, puis après يعني une maladie qui allait atteindre les gens, deux grandes يعني maladies qui allaient atteindre les gens, puis la richesse qui allait être répandue. Et il a mentionné également une fitna qui allait rentrer يعني chez les Arabes, qu'il n'allait pas laisser une seule maison excepté qu'elle allait y entrer. Puis il a mentionné une entente de paix avec Bani al-Asfar, les Romains, et qu'ils allaient trahir cette entente, puis ils allaient venir avec 80 raya. Il mentionne donc, yani, je ne peux pas vous expliquer cette partie du hadith puisque yani, je ne connais pas les détails de l'explication de chacune de ces choses-là, sauf que le plus important, c'est que la première chose qui est mentionnée dans ce hadith, après, c'est la première chose, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les signes de la venue du jugement dernier. Après, il dit, et avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que la sécurité, ou disons, yani, comme le cheikh il le mentionne, il dit bimawtihi irtafa'a al-aman an ahli al-ard. La sécurité des habitants de la terre, elle a été enlevée, elle a été yani, ôtée à partir de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ata ashabuhu ma yu'adun, et ceux qui avaient été promis à ses compagnons leur est arrivé par la suite comme épreuve et comme yani, comme test. Et il mentionne le verset à ce sujet-là dans sourate Al-Anfal, il dit wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Dans sourate Al-Anfal, donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les châtier alors que tu es parmi eux, et il ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Il dit wa qad ja'a fi ma'na hadhihi al-aya an ibn Abbas radiyallahu anhu kana fihim amanan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal istighfar fa dhahaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa baqiya al-istighfar. Ça c'est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari, et ça c'est dans son tafsir, et c'est une chaîne de transmission qui est authentique selon les conditions de Muslim, et à la base il est dans le Sahih Muslim. Donc il dit, Ibn Abbas, au sujet de l'explication de ce verset, il dit que il y avait chez les Sahaba deux sécurités. La première, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sécurité contre le châtiment. La première, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était parmi eux. Et la deuxième, c'est le fait qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. La première cause de sécurité, elle est partie, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant il ne reste que al-istighfar. Il ne reste comme sécurité que يعني la demande du pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. ويشهد لهذا التفسير الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فقال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أنا أمانة لأصحابي إذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من العرب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté qui témoigne de ce tafsir de Abdullah ibn Abbas et c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Abi Musa al-Ash'ari qui dit que yani des compagnons ont dit nous avons prié le Maghreb avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puis nous nous sommes dit hein, si on s'assoyait jusqu'au Isha pour prier avec lui alors nous nous sommes assis hein, et yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a vu que nous étions encore assis. Et il a dit, vous êtes encore ici? Et les sahaba ont répondu, ô messager d'Allah, nous avons prié le Maghreb avec toi, puis nous nous sommes dit, hein, pourquoi ne resterions-nous pas pour prier avec toi à l'Isha? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ahsantum, c'est-à-dire vous avez bien fait. Et il a levé sa tête vers le ciel. Et il faisait cela souvent. C'est-à-dire, il levait souvent sa tête vers le ciel. Puis, il a dit, les étoiles sont une protection pour les cieux. Et lorsque les étoiles partiront, le ciel va recevoir ce qui lui a été promis. Et je suis une protection pour mes compagnons. Et lorsque je serai parti, mes compagnons vont vivre ce qui leur avait été promis. Et mes compagnons sont une protection pour ma umma. Et lorsqu'ils partiront, il va arriver à ma umma ce qui leur a été promis. Et il dit que, ensuite, l'imam al-Nawawi explique ce hadith en disant que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis une protection pour mes compagnons et lorsque je serai parti mes compagnons vont avoir ce qui leur avait été promis c'est-à-dire ce qui leur avait été promis comme épreuve et comme guerre et comme yani le fait que certains parmi les arabes ont apostasié la religion et la divergence entre les cœurs et tout ce qui avait été mentionné comme avertissement clair de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, tout ce qu'il avait dit s'est produit tel qu'il l'avait promis. Et ça c'est dans le sharh de l'imam al-Nawawi de Sahih Muslim. Wa an Anas radiyallahu anhu qal lamma kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina adaa minha kull shay فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نقدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا وعن الحسن البصري رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحدا فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا وهذه النصوص وما جاء في معناها تدل على أن موت النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الكونية لوقوع الفتن الكبار في الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit que il a été rapporté selon Anas que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, ça a été comme une lumière qui est venue éclairer Médine et qui a tout éclairé. Et le jour dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, hein, ça a été comme si tout est devenu obscur. C'est un jour dans lequel tout a été yani obscur. Et yani, il dit que lorsqu'on a terminé d'enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà on avait comme ressenti quelque chose d'une différence dans notre cœur. Et il mentionne ensuite une parole de Al-Hassan al-Basri qui dit, selon Ubay ibn Ka'b, il dit que, yani, il mentionne quelque chose au sujet yani, du moment que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et bien entendu cette parole il faudrait retourner à l'explication de cette parole, puisque yani, la signification n'est pas claire. Ensuite, il mentionne qu'il y a plusieurs textes qui ont été mentionnés au sujet justement de toutes ces choses-là, qui mentionnent que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des causes que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, qui font que yani, ça a été une grande fitna dans la umma. Et il dit le dua la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite il parle d'une autre cause parmi les causes de fitna dans la umma, c'est la mort des sahaba. Il dit asna Allah azza wa jal ala ashab nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam fi al-Qur'an kathiran wa'addalahum wa sahhaha niyyatahum wa bayyana fadlahum عن أو على سائر الناس. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, et il les a tous mentionnés comme étant fiable et honnête et juste, et il a mentionné que leur intention était bonne, hein, et il a mentionné leur mérite sur tous les autres parmi les hommes. Et il mentionne le verset, hein, le verset 29 dans Surat Al-Fath, dans lequel il y a la mention et la description des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffars et miséricordieux les uns avec les autres. Tu les vois en train de s'incliner, de se prosterner, recherchant d'Allah subhanahu wa ta'ala la grâce et l'agrément. Et il y a sur leur front, sur leur visage, la trace de la prosternation. Et c'est l'exemple qu'on donne d'eux dans la Torah. Et de même que dans l'Injil, on les représente comme une pousse qui sort, hein, et qui se dresse sur sa tige, et qui s'épaissit, et qui se redresse sur elle-même, hein, et qui éblouit les cultivateurs, et qui met la rage dans le cœur des kuffars, hein, qui met la rage chez les kuffars. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres parmi eux un pardon et une grande récompense. Et les versets à ce sujet-là qui font l'éloge des sahaba sont très nombreux dans le Coran. وكذلك أثنى الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنهم أفضل الناس وأن المتمسك بهديهم يناله من الفضل والخير والأمن بقدر ما تمسك بهديهم فمن ذلك حديث عمران بن الحسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عمران لا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Donc le cheikh il mentionne ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge, hein, a fait l'éloge des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a mentionné que ce sont les meilleurs hommes, et il a mentionné que quiconque allait s'accrocher à leur guidance, alors il allait avoir du mérite et du bien et de la sécurité selon la proportion à laquelle il ou par laquelle il s'est accroché à leur guidance. Et il dit ensuite que Yani mentionne le hadith qui est rapporté selon Imran ibn al-Husayn. Il dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, la meilleure génération, c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Imran a dit: je ne sais pas si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit deux ou trois générations après lui. Donc c'est un doute, hein, il avait un doute à ce sujet. Puis ensuite il dit: et après, c'est-à-dire après ces générations-là, après les trois premières, il y aura d'autres qui vont venir, qui vont témoigner, mais qui ne vont pas témoigner, hein, correctement. Bien, ils vont témoigner alors qu'ils ne sont pas demandés de le faire, et qui vont trahir leurs ententes ou leurs pactes. ولا يتمنون ولا يتمنون الذي وقال النووي هكذا في اكثر النسخ يتمنون او يتمنون وفي بعضها يؤتمنون بمعنى يخونون خيانه ظاهره بحيث لا يبقى معها امانه. C'est-à-dire qu'il va y apparaître des gens par la suite qui vont témoigner, mais qui ne vont pas, qui vont témoigner sans qu'on leur demande de le faire, dans le sens qu'ils ne vont pas faire attention à leur témoignage, ils ne vont pas être honnêtes dans leur témoignage, et ils vont être des traîtres, c'est-à-dire ils vont trahir leurs engagements, et ils vont faire des serments, mais ils ne vont pas respecter ce qu'ils avaient promis dans leur serment. Et on va voir apparaître chez eux, hein, le poids, ils vont prendre du poids. Ça fait partie des signes. Et après il dit: ففي هذه الأحاديث وما جاء في معناها دليل على فضل الصحابة وبركتهم على الأمة وأن الفتن تفتح على الأمة أو تفتح على الأمة بعد موت الصحابة رضي الله عنهم وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي موسى السابق وفيه وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وقال النووي رحمه الله وقوله ذكر القول الذي ذكره من قبل قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك, وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. Donc dans ces hadiths-là et dans tous les hadiths qui sont dans la même signification, il y a la preuve du mérite des sahaba, hein, et de la baraka qu'ils représentent, de la bénédiction qu'ils représentent pour la umma, et que après eux les fitanes vont s'ouvrir sur la umma après la mort des sahaba. Et ça a été mentionné clairement dans qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure comme hadith du hadith de Abi Musa al-Ash'ari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mes compagnons sont une protection ou une sécurité pour la umma, hein, pour ma umma, et lorsqu'ils partiront, ma umma va avoir ce qui lui a été promis. Et il mentionne les paroles de l'imam al-Nawawi qui explique cette partie du hadith. Il dit que ça signifie l'apparition des innovations et des nouvelles choses inventées dans la religion et des épreuves dans la religion, et le fait que les cornes du shaitan vont se lever, et également le fait que Rome, ce qu'on appelle Rome, vont prendre le dessus, c'est-à-dire les Romains vont prendre le dessus sur eux, et intihakul Madina wa Makkah, on va il y aura des atteintes qui seront faites contre Al Madina et Makkah, et d'autres choses de ce genre. Et tout ça fait partie des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصره أحد لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه. فتوفي أبو بكر رضي الله عنه وكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة. وكان عثمان ابن عفان وكانت الفتنة فلفت الناس يمينا وشمالا. فهذه الأحاديث تدل على أن الفتن إنما فتحت أو فتحت على الأمة بعد موت الصحابة رضي الله عنهم. لشيخ الماسياني يذكر أم سلمة رضي الله عنها elle dit, comme c'est rapporté par l'imam Ibn Majah, que les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils faisaient la salat, leurs regards ou leurs yeux ne dépassaient jamais la place de leurs pieds quand ils priaient. Ils ne regardaient que directement droit sous leurs pieds. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Abu Bakr radiallahu anhu a été le khalifa. Et les gens priaient derrière lui. Et leur regard ne dépassait pas l'endroit où ils posaient leur front. Puis, lorsque Abu Bakr, radiallahu anhu, est décédé, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a été le khalifa. Et les gens, lorsqu'ils priaient, leur regard ne dépassait jamais leur qibla. L'endroit de la qibla, la direction de la qibla. Puis, par la suite, il y a eu Othman ibn Affan, radiallahu anhu, puis il y a eu la fitna, par la suite. Et les gens ont commencé à se tourner à droite et à gauche dans la prière. Donc ça, c'est des hadiths qui montrent que les fitnes, elles s'ouvrent sur la umma à partir de la mort des sahaba, radiallahu anhum. والقسم الثاني من أسباب الفتن الأسباب الخاصة، نعني بالأسباب الخاصة الأمور والأعمال التي قام بها المسلمون أو غيرهم أفرادا وجماعات وأدت إلى قيام الفتن العظام في الأمة. فمن هذه الأسباب السبب الأول تساهل المسلمين في اتباع الكتاب والسنة لا سيما عند النوازل والاختلاف. دونك الشيخ الزي. Ensuite, il y a les fitan, les causes des fitan qui sont plus particulières. Et on veut dire par les fitan qui sont plus particulières, celles qui atteignent les musulmans ou autres que eux, parmi les individus et les groupes, qui font en sorte que les grandes fitan apparaissent ou viennent par la suite. Parmi ces causes-là, il y a le fait que les gens prennent à la légère le fait de suivre le Coran et la Sunna. Ils prennent le fait de suivre le Coran et la Sunna à la légère, et en particulier lors des, qu'est-ce qu'on appelle, al-nawazil. Al-nawazil, ce sont les grandes épreuves qui tombent sur la Umma à certains moments, des choses qui sont des malheurs généraux, et des divergences qui arrivent. Donc, durant ces moments-là, c'est encore plus important pour les musulmans de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Malheureusement, une des causes de la propagation de la fitna, c'est lorsque les gens prennent à la légère le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Wa min al-ma'loum anna najat al-umma mutawaqqifa ala al-akhdh bi kitab Allah wa sunnati nabiyyih sallallahu alayhi wa sallam fi kulli amrin من أمور الدين ولا سيما وقت النوازل والاختلاف والاضطرار. وكلما بعد الزمان عن القرون المفضلة زادت الحاجة إلى التمسك بالكتاب والسنة والأدلة على هذا كثيرة منها. Donc, le Cheikh il dit que il est très clair que on sait très bien que le salut de cette umma s'arrête au fait de prendre et de s'accrocher au Coran et à la Sunna, au livre d'Allah et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est dans tous les aspects de la religion, et en particulier lorsqu'il y a des événements qui sont des grandes épreuves et des situations de grandes divergences ou des choses de ce genre, c'est encore plus important de le faire. Et plus on s'éloigne des meilleurs siècles et des meilleures générations de la Ummah, et bien plus notre besoin de s'accrocher au Coran et à la Sunna augmente et devient grand. Et donc il mentionne à ce sujet-là plusieurs preuves. Premièrement, le Cheikh il mentionne comme preuve les versets suivants. Le verset 123 et 126 dans sourate Taha, il dit qawluhu ta'ala, comme le verset on l'a récité tout à l'heure, qala ahbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. Le Cheikh il mentionne donc ce verset qu'on a récité tout à l'heure, dans lequel Allah il dit « Descendez tous sur terre, les uns ennemis des autres, et si une guidance de ma part vous vient, celui qui suit ma guidance ne va pas s'égarer et ne sera pas malheureux. Tandis que celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie misérable, et nous allons le ressusciter au jour de la résurrection aveugle. » Il dit « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ressusciter aveugle alors que j'étais voyant auparavant ?» Il dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala répond, « De la même manière que lorsque mes signes te sont venus, tu les as oubliés, tu les as abandonnés, alors de la même manière aujourd'hui, tu es oublié. Hein, on t'oublie. » Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit à propos de ce verset, comme c'est rapporté par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf et par Ibn Jarir dans son tafsir, il dit Allah subhanahu wa ta'ala donc yani prend la responsabilité de faire en sorte que celui qui lit le Coran et qui l'applique, il ne sera pas égaré dans cette dunya et il ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Et il dit وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ensuite il mentionne un verset qui est le verset 65 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala jure par lui-même, il dit « Non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pris comme juge dans leurs désaccords et dans leurs disputes entre eux, puis qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent en pleine soumission. » Et il mentionne le verset 63 dans sourate An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui contredisent son commandement, c'est-à-dire le commandement du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent garde qu'ils soient atteints par une fitna ou par un châtiment douloureux. Abdullah Cheikh il mentionne ensuite les paroles de l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset. قال ابن كثير رحمه الله وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. الشيخ يقول que l'imam Ibn Kathir rahimahullah, il dit que la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit que celui qui contredit son commandement prenne garde, c'est-à-dire le commandement du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa voie, son chemin, et yani, tous ces termes-là sont tous des termes qui sont utilisés dans la charia et dans l'islam pour désigner une voie et un chemin à suivre. Hein? Donc, al-sabil, al-minhaj, al-tariqa, al-sunna, al-sharia, tous ces termes sont des termes pour désigner yani, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa voie et son chemin et sa méthodologie et sa législation sont yani, tout ça, ça désigne la voie à suivre et ça, son exemple, hein, et ce qu'il a ramené. Et donc, tu dois te baser là-dessus pour peser les paroles et les actions des gens. Tu dois te baser sur qu'est-ce qu'il a ramené comme voie pour yani, juger et peser les paroles et les actions. Et tu les mets en comparaison avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les actions du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est en accord avec, tu l'acceptes, et ce qui contredit, tu le rejettes, hein, ce qui est en contradiction avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené, alors c'est rejeté et ça retourne à celui qui l'a dit, peu importe qui il est. Comme c'est rapporté dans As-Sahihayn, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, alors elle sera rejetée. C'est-à-dire, elle ne sera pas acceptée. Et donc, qu'il prenne garde, qu'il craigne, c'est-à-dire que celui qui contredit la voie et la sharia du messager sallallahu alayhi wa sallam, en apparence ou intérieurement, qu'il craigne et qu'il prenne garde qu'il soit atteint par une fitna dans son cœur, hein? C'est-à-dire dans son cœur, qu'il soit atteint par une fitna, par une épreuve dans son cœur, comme mécréance ou comme hypocrisie ou comme bid'a ou comme innovation, c'est-à-dire qu'il craigne qu'il soit atteint par une de ces choses, ou bien qu'il soit atteint par un châtiment douloureux. C'est-à-dire, un châtiment douloureux dans cette dunya, comme par exemple, soit qu'il soit exécuté, ou qu'on établisse contre lui une peine, parce qu'il a contredit l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il soit emprisonné, ou des choses de ce genre. Et ça, c'est dans la dunya. Et bien entendu, dans Al-Akhira, également, si il a désobéi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura aussi un châtiment douloureux dans Al-Akhira. Et on va voir l'exemple de ça. Donc le cheikh il dit: wa kalam ibn Kathir rahimahullah kalam nafis kama tara wa daqiq yunabbi'u ala fahm thaqib li amrad al-ummah wa asbabiha wa anna a'zam sabab huwa mukhalafat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam فلما خالفته الأمة أصابها ما أصابها من الفتن العظيمة وما نتج عنها من اختلاف وافتراق وبدع وهرج ومرج، نسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، فإن في التمسك بالكتاب والسنة النجاة والسلامة والهدى والائتلاف والاجتماع، كما في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc le cheikh il explique, il dit que cette parole de l'imam Ibn Kathir, c'est une parole qui est très précieuse, et on voit dans cette parole une compréhension très précise et une compréhension très claire des maladies qui atteignent la Umma et des causes de ces maladies-là, et également que la plus grande de toutes ces maladies, c'est le fait de contredire l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la Umma a contredit l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, la Umma a été frappée par ce qu'elle a été frappée comme différentes fitanes et tribulations et épreuves et malheurs et ainsi de suite. Et il y a eu comme conséquence à cela la divergence, la division, les innovations et les tueries et ainsi de suite. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ramène la Umma à sa religion de la plus belle façon. Et ensuite le cheikh il dit donc le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna, c'est le salut, c'est la paix, c'est la guidance, c'est le rassemblement, c'est l'unité, comme c'est mentionné dans le hadith. J'ai laissé parmi vous deux choses, tant que vous allez y rester accrochés, vous n'allez jamais vous égarer après moi. Et il a dit, le livre d'Allah et ma sunna. Et comme c'est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite, et il a tracé à droite et à gauche de cette ligne des petits traits, et il a dit à propos de la ligne droite, ça c'est le chemin d'Allah, et ces petits traits à gauche et à droite, ce sont les chemins du shaitan, ce sont les petits sentiers, les petites voies du shaitan, et à la tête de chacun d'entre ces petits traits, de ces petits sentiers, il y a un shaitan qui invite les gens à le suivre. Et il a récité le verset 153 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin. » « وَهَذَا الَّذِي أَصَابَ الْأُمَّةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَمَّا تَرَكَتْ الصراط المستقيم وحبل الله القديم القويم وتمسك كل برأيه وهواه فضلت وأضلت وتفرقت وشذر ومذر وكل حزب بما لديهم فرحون فظهرت البدع والفرق والأحزاب وصار لها قادة ورؤساء يدعون إليها يدافعون عنها ويقاتلون في سبيلها وحلت في الأمة بسبب هذه الفرق الويلات والنكبات كما حدث في من الروافض والخوارج والباطنية وغيرهم من الفرق المخالفة وكل هذا بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة ونكيرهم على المتمسك بهما حتى أصاب الإسلام منهم من الأذى ما لم يستطع أعداء المسلمين أن يصيبوا بمعشاره ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمتتبع لتاريخ الإسلام منذ ظهور هذه الفرق يجد برهان هذا واضحا جليا عند المؤرخين وعبر السنين. Donc le cheikh il explique que ce qui a atteint la umma comme malheur, c'est lorsque les gens ont abandonné le droit chemin et le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils se sont chacun d'entre eux accrochés à sa propre opinion et à sa passion. Et donc ils se sont égarés eux-mêmes et ils ont égaré les autres. Et ils se sont divisés et éparpillés comme ça à cause de cela, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il détient eux-mêmes, de ce qu'il possède. Donc les bid'a sont apparus, les sectes sont apparues, les partis sont apparus, et chacun avec son chef, chacun avec son guide qui invite à son groupe et qui défend ce groupe et qui combat dans le chemin de son groupe. Et la Umma, à cause de cela, a été frappée par la division. À cause de cela, ils ont été frappés par toutes sortes d'autres malheurs. Et on a vu comme cela est arrivé de la part des Rawafid, la secte des Rawafid parmi les Shia, et l'exemple des Khawarij également, qui ont également divisé la Umma, et aussi l'exemple des Batiniyya, et les autres sectes également, parmi les sectes qui ont opposé la Sunna. Et tout ça, c'est à cause de l'éloignement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et yani le fait qu'ils ont cessé ou refusé de s'accrocher à ces deux sources, et jusqu'à ce que la Ummah soit atteinte par toutes les différentes yani nuisances qu'on a mentionnées de la part de yani ses ennemis intérieurs, comme on a expliqué, de la part des groupes et des sectes et des gens de bid'a, qui sont des nuisances que même les ennemis de l'islam ne peuvent pas causer, yani, même le dixième à la Ummah. C'est-à-dire le mal qui est venu de la part de ces gens-là, de ces groupes-là, il est plus grand que le mal de ce que les ennemis clairs et déclarés de l'islam peuvent causer à la Ummah. Et la personne qui étudie l'histoire de l'islam depuis l'apparition de ces sectes, il va comprendre, il va trouver la preuve de ce qu'on est en train d'affirmer maintenant, et il va le trouver de façon très claire et apparente. Et bien entendu, tout ça se retrouve chez les historiens et à travers les années. Et c'est pour cette raison-là que, comme on peut juste dire à propos de ce que le cheikh il explique maintenant, que c'est pour cette raison-là que si on regarde, par exemple, qu'est-ce qui arrive actuellement, par exemple, parmi la Ummah et parmi les musulmans, et de la part des gens de bid'a et des groupes d'égarement. Qu'est-ce qui est très important de comprendre, c'est souvent les gens disent, oui, mais yani, on est tous musulmans, on est tous musulmans, et donc il faut s'unir, il faut être ensemble, et il faut cesser de, yani, disons, cesser de mentionner les différences qui existent entre nous. Et ils oublient en réalité que, yani, si on s'unit sur autre chose que le Coran et la Sunna, et si on s'unit sur autre chose que la compréhension des salafs salih, eh bien, c'est certain que ce ne sera pas une réelle unité, que cette union-là ne sera pas réelle, et que les gens qui sont divisés parmi les groupes de bid'a dans la Ummah, eh bien, ils n'ont pas d'ennemis plus grands que les gens qui sont accrochés à la Sunna. Et donc le tort qui vient de la part de ces gens-là par rapport à la Ummah est plus grand que le tort des ennemis de l'islam, des ennemis de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que parfois les gens ne comprennent pas et ils négligent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le Coran à propos des juifs en disant « Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta » Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Donc, ceux qui appellent les musulmans à s'unir juste pour l'idée de s'unir et qui ne veulent pas clarifier les questions de aqida et les questions de manhaj et expliquer aux musulmans la vérité du faux d'entre ces questions-là pour les ramener à la vraie aqida et au vrai manhaj des sahaba, eh bien, ces gens-là, ils ne font que jeter de la poudre aux yeux des gens. Et en réalité, ce sont eux la cause du fait que la division persiste entre les musulmans. parce que celui qui veut réellement unir les musulmans, il doit commencer par la réforme de la croyance et la correction des erreurs, des égarements dans les questions de aqida et de manhaj et de compréhension des textes de l'islam. Et donc ça, c'est fondamental, hein? Et donc ça, ça fait aussi partie de l'importance de s'accrocher. C'est ça ce que le cheikh explique depuis le début en réalité, hein? Et donc c'est juste un peu plus de clarification à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il parle de d'autres causes de fitan. Hein? Il a parlé donc de celle-là. Là maintenant, il mentionne kaydu a'da al-islam bil muslimin, les ruses, hein, et les complots des ennemis de l'islam contre les musulmans. Il dit min a'zam asbab al-fitan wal-balaya allati waqa'at bil-umma wa la tazal kaydu a'da al-islam min yahud wa nasara wa wathaniyin. Il dit parmi les plus grandes causes des fitan et des malheurs qui sont arrivés dans la umma et qui continuent, ce sont les ruses des ennemis de l'islam parmi les juifs, les chrétiens et les païens, les gens qui adorent des idoles. Et vous allez voir à travers les exemples que le cheikh donne, si on a le temps de mentionner certains d'entre ces exemples, vous allez voir que c'est pas comme on s'imagine. Beaucoup de gens, parfois, quand on parle des ruses et des complots des koufars contre les musulmans, on pense automatiquement, comme on a dit tout à l'heure, on pense automatiquement aux ennemis extérieurs de l'islam. Et on ne pense pas aux divisions et aux groupes et aux sectes qui sont apparus parmi les musulmans. Et justement, ça c'est à cause d'un manque de compréhension. Parce que la réalité, c'est que la plupart de ces sectes sont apparues dans la Umma. Et ceux qui sont derrière l'apparition de ces sectes-là sont justement des ennemis extérieurs de l'islam qui se sont infiltrés dans la Umma pour créer ces divisions-là entre les musulmans. Et tant qu'on ne va pas comprendre ça comme il faut, eh bien on ne va pas comprendre le danger que représentent les groupes et les sectes d'égarement parmi la Umma. Hein? Parce qu'en réalité ce sont beaucoup d'entre ces gens-là, c'était des munafiqines, ceux qui ont inventé ces groupes et ces sectes à la base. Et ils se sont dit, on ne peut pas diviser les musulmans en les attaquant de l'extérieur, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer à l'intérieur d'eux et on va les diviser par l'intérieur pour les détruire. Et c'est ça leur ruse. Et encore aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Hein? Ils divisent les musulmans avec toutes sortes de groupes et de sectes et de tendances, hein, qui sont en opposition avec qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans la compréhension des salaf. Hein? Et Abdullah ibn Saba, hein, le cheikh il mentionne l'exemple de Abdullah ibn Saba et de d'autres. Abdullah ibn Saba qui était un juif du Yémen, hein, qui s'était converti à l'islam, mais qui était resté, hein, juif dans sa croyance et dans son cœur, et qui a utilisé justement, hein, cette couverture-là de faire semblant d'être musulman pour amener dans la Umma plein de problèmes et plein de divisions et plein d'égarements. Et donc ça c'est des exemples. Mais quand il vient, bien entendu, il vient pas au nom ou avec l'idée de dire moi je veux faire de la division, je veux faire du désordre. Il vient au nom de la réforme, il vient au nom d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il vient au nom d'appeler au bien et à l'islam. Il utilise ça pour frapper les musulmans les uns contre les autres. Mais, hein, bien entendu, on va voir des exemples de ça. Il ramène par la suite, ça a été la cause de l'apparition de ce qu'on appelle les Rafida, les Shia, par la suite. C'est lui qui a été la source de ça. Et ça, c'était une des grandes divisions qui est arrivée dans la Ummah. Donc il dit ومن أعظم أسباب هذه الفتن والبلايا التي وقعت بالأمة ولا تزال كيد أعداء الإسلام من يهود ونصارى ووثنيين فمنذ أن أشرقت شمس الإسلام وأنارت أرجاء المعمورة وأيقن من لم يرد الله هدايته من يهود ونصارى ومجوس ونحوهم عجزهم عن ستر ضوء الشمس ونور القمر بأيديهم عمدوا إلى الكيد والمكر مستفيدين من خبرة اليهود الطويلة وبتجاربهم العديدة في الحسد والكيد والمكر لكل صاحب هدى وحق. فهم قتلة الأنبياء والصالحين وهم أعداء رب العالمين وهم حساد أهل الخير والصلاح. وخبرتهم في ضرب الخير والكيد له طويلة عبر السنين. نعم. الشيخ يكسبليك يزيك lorsque la lumière de l'islam la lumière du soleil de l'islam a commencé à briller et qu'elle a illuminé tout l'univers, toute la terre, et que les juifs et les chrétiens, ceux pour qui Allah n'a pas voulu la guidance d'entre eux, ont été convaincus, les juifs et les chrétiens qui n'ont pas été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont été convaincus qu'ils n'allaient pas être capables d'arrêter la force de l'islam et de bloquer la lumière du soleil avec leurs mains. Ils savent qu'ils sont impuissants devant la grandeur et la force de l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à faire des ruses en utilisant la longue expérience juive, la longue expérience des juifs dans justement ce genre de ruses et de complots, de jalousie et de tromperie contre toute personne qui est sur la guidance et sur la vérité. Parce que ce sont les meurtriers des prophètes, ce sont ceux qui ont tué les prophètes et les hommes pieux, et ce sont les ennemis du Seigneur des mondes, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont ceux qui sont jaloux des gens du bien et de la réforme. Et ils ont beaucoup d'expérience dans le fait de frapper les gens du bien et de faire des ruses contre eux à travers les siècles. Ils ont eu pendant des siècles pour se préparer, et ils ont hérité de cette expérience-là de génération en génération. Et lorsque l'islam est arrivé, eh bien, ils ont profité de cette expérience-là pour essayer justement de faire des divisions entre les musulmans. Il dit, وقال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذه الآيات وما جاء في معناها تدل على عظم بغي على عظم بغي وكيد على عظم بغي وكيد وعدوان الكفار على اختلاف طوائفهم ومللهم ومسمياتهم ومكانهم وزمانهم تدل على شدة عداوتهم وحسدهم للإسلام وأهله ولا سيما اليهود. لشيخ الزي الله سبحانه وتعالى المنسيان dans le verset 105 dans سورة البقرة il dit les gens qui ont mécru parmi les gens du livre ainsi que les mushrikines, ils ne souhaiteraient pas que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre du bien sur vous. Ils ne souhaiteraient pas qu'un bien descende sur vous de la part de votre Seigneur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit pour y mettre sa miséricorde sur qui il veut. C'est lui qui décide de choisir en particulier parmi ses serviteurs qui il veut pour mettre sur lui sa miséricorde, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la grâce immense. Et il mentionne le verset 109 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et beaucoup d'entre les gens du livre souhaiteraient vous ramener à la mécréance après que vous ayez eu la foi par jalousie de leur part, par envie et par jalousie de leur part, une fois que la vérité leur a été clarifiée. Et il mentionne le verset 87 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le fait que les juifs lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il leur envoyait un messager, il les tuait ou bien il les traitait de menteurs. Donc, il dit, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous vient avec ce qui est en contradiction avec ce que vous voulez, vous vous enflez d'orgueil et soit vous les tuez, ou soit vous les traitez de menteurs, soit vous les tuez. Une partie d'entre vous, vous les traitez de menteurs et les autres, vous les tuez. Donc ça, c'est l'exemple de ces gens-là. Comment ils ont agi. Et tous ces versets et tous ces signes que Allah subhanahu wa ta'ala révèle à ce sujet-là et tout ce qui est dans ce sens-là indique la grandeur de la transgression et de la ruse et de la haine des koufars, peu importe leurs différentes croyances ou religions, ou peu importe leurs différentes appellations ou lieux ou époques, eh bien, ils ont tous cette animosité et cette haine et cette jalousie contre l'islam et les gens de l'islam, et en particulier al-Yahoud. Et donc, le cheikh, il dit, والمتدبر لحالهم مع الإسلام منذ عصره الأول لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى يومنا هذا يجد أنهم أشد الناس عداوة لنا وأجلد أعداء الإسلام في حربه وأكثرهم له أذى ونحن الآن معهم منذ ما يقارب 100 عام في محنة وبلاء عظيمين فقد استطاعوا بكيدهم ودهائهم السيطرة على الدول الكبرى التي أعنتهم على احتلال المسجد الأقصى فحصل بذلك بلاء عظيم للإسلام وأهله فهدمت المساجد وظهر الفساد وأعلن بالكفر في المسجد الأقصى ومصلى الأنبياء وقتل المسلمون وهجروا من بلادهم وأهينوا ومن بقي ذليلا ومن خرج طريدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit, quiconque médite sur l'état, c'est-à-dire l'état de ces gens-là par rapport à l'islam, depuis le début, depuis lorsque l'islam est apparu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, jusqu'à aujourd'hui, il va voir que ce sont les gens qui ont le plus de haine contre l'islam et contre les musulmans. Et que ce sont les plus grands ennemis de l'islam dans leur guerre contre l'islam. Et ceux qui font plus de tort à l'islam et aux musulmans. Et aujourd'hui, depuis à peu près 100 ans, on est avec eux dans deux grands malheurs, des grands problèmes. Ils ont réussi par leur ruse, par leur le fait que ce sont des gens qui sont malins. Ils ont réussi à prendre le contrôle des grandes puissances et de prendre leur aide pour comme on dit, envahir les terres de la mosquée Al-Aqsa. Et il y a eu à cause de ça des grandes épreuves pour l'islam et pour les musulmans. Les mosquées ont été détruites, et il y a eu beaucoup de corruption, et on a même fait entendre là des paroles de kufr dans la mosquée Al-Aqsa, l'endroit où les prophètes s'étaient réunis pour prier. Et des musulmans ont été tués, beaucoup de musulmans ont été tués, et beaucoup de gens ont été forcés à quitter leur pays à cause de ça, et ont été humiliés, et ceux qui sont restés humiliés, et ceux qui sont sortis expulsés et chassés. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc ça, c'est des exemples de certaines des épreuves qu'on doit subir de la part de nos ennemis parmi les juifs et d'autres. وأول بلاء عام أصاب الأمة من أعدائها وبه كسر الباب الواقي من الفتن مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عدو الإسلام أبي لؤلؤة المجوسي. Donc le premier malheur qui a atteint cette umma, c'est ce qui a atteint la umma lors de la mort d'un de ses plus grands parmi les sahaba, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, de la part des ennemis de l'islam. Et c'est ça la porte qui a été cassée, dont on a parlé tout à l'heure dans le hadith de Huzaifa. La porte qui protégeait de la fitna, qui empêchait la venue de la fitna, c'est la porte qui est, c'est Omar en fait, Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, et sa mort de la main de son ennemi, c'est-à-dire de l'ennemi de l'islam, Abu Lu'lu'a al-Majusi. Le Majusi, c'est Abu Lu'lu'a qui l'a tué. Et c'était un Perse, un Majus. ثم تولى كبر العداوة أو كبر العداوة اليهود فخططوا لزلزلة العالم الإسلامي بطريقة ماكرة خبيثة يكون لهم غنمها وعلى المسلمين غمرها فبث بين جهال المسلمين وأغرارهم وسفهائهم أن الأمة بحاجة إلى الإصلاح وأن خيرات البلاد قد ضاعت ونهبت وأن الأمراء أمراء البلاد وعلى رأسهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه هم سبب هذا البلاء وأن الإصلاح يجب أن يبدأ بالخليفة فاجتمع هؤلاء الجهال السفهاء الأغرار تحت إمارة اليهودي عبد الله بن سبأ وحدث للإسلام وأهله من الفتن والبلايا العظام ما لا يعلمه إلا الله كقتل الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وانقسام المسلمين إلى عسكرين كبيرين واقتتال الصحابة رضي الله عنهم ولا تزال آثار هذا الكيد في الأمة إلى يومنا هذا متمثلا في الفرق الإسلامية المتعادية المتناحرة في بلاد العالم الإسلامي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et donc, je pense qu'on va terminer avec ça. Inch'Allah, le Cheikh explique qu'on a vu par la suite suivre des grands complot par la suite de la part des ennemis de l'islam, de la part des juifs et d'autres, qui ont comploté pour faire secouer et trembler le monde musulman d'une manière de ruse, par une ruse, une mauvaise ruse, par laquelle ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir hériter ou prendre le contrôle sur les musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque ? Ils ont fait propager parmi les ignorants, parmi les musulmans ignorants, et parmi les faibles d'esprit d'entre eux, que la Ummah avait besoin de réformes et que toutes les richesses de la Ummah et des pays musulmans étaient gaspillées, et que les dirigeants et les responsables, et à la tête de ceux-ci, le Khalifa Ar-Rashid Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, était la cause de ce malheur. Et que la réforme était obligatoire et qu'il fallait commencer par réformer le khalifa. Et donc ils se sont tous réunis, ces ignorants, ces faibles d'esprit, derrière le juif Abdullah ibn Sabah, pour aller justement à Médine, et ils ont, comme on le sait, assassiné Othman ibn Affan. Donc c'est ce que le cheikh explique ici. Il est arrivé un des plus grands parmi les grands malheurs de la Ummah lorsque ils sont allés assassiner le Khalifa Ar-Rashid Zun-Nurayn Othman ibn Affan. Puis par la suite, il y a eu la Ummah, les musulmans qui se sont divisés en deux groupes et qui se sont combattus Il y a eu le combat entre les Sahaba. Puis, on est encore en train de subir et de voir les effets de cette ruse dans la Ummah jusqu'à aujourd'hui, qui est représentée par les différentes sectes islamiques qui s'opposent et qui se combattent dans le monde musulman. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, tout ça, ça fait partie de ce que yani, les kuffars ont calculé et planifié contre les musulmans. Il dit وَهَذَا الْأَمْرُ أَثَرُ كَيْدِ أَعْدَاءٍ أَثَرُ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ فِي ظُهُورِ الْفِتَنِ جَلِيٌّ وَاضِحٌ كَوُضُوحِ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ وَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَذْكُرَ إِشَارَاتٍ لِهَذَا الْكَيْدِ وَأَثَرُهُ عَلَى الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَةِ. Donc il dit, ça c'est des choses qui sont aussi claires que le soleil, les effets de ces ruses. Et il dit, j'ai uniquement voulu mentionner des indications de ces ruses-là et des effets qu'elles ont eus sur la Umma sans rentrer dans les détails. Et il dit وَمِنْ أَعْظَمُ كَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ هَذِهِ الْهَجْمَةِ الشَّرِسَةِ الَّتِي يَشُنُّهَا أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ مِنْ يَهُودٍ وَنَصَارَى على البلاد الإسلامية في هذا الزمان عسكريا واقتصاديا وفكريا وكذلك هجومهم وكيدهم لبلادنا بلاد الحرمين وتشوية سمعة أهلها وحكاما ومحكومين واتهام دين الإسلام بأنه دين إرهاب وفوضى واتهام نبي الإسلام بذلك هو الذي أثنى عليه الله سبحانه وتعالى بالرأفة والرحمة وهو الذي أثنى الله عليه بالرأفة والرحمة هو الذي جاءه ملك الجبال ليستأذنه إن شاء أن يطبق بين أهل مكة الأخشبين فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. Donc le cheikh il mentionne et dit que leur ruse, la ruse des kuffars et leur complot contre les musulmans, ils ne cessent de continuer de la part des juifs, de la part des chrétiens et des autres, et on le voit sur le plan militaire, économique et sur le plan des idées également, qu'ils ne cessent d'attaquer aux musulmans dans les pays musulmans et en particulier Al-Haramain, Mecca ou Al-Madina, et ils ne cessent de chercher à salir la réputation de l'Arabie Saoudite, de ses habitants, de ses dirigeants, d'attaquer et d'accuser les musulmans et l'islam d'être des terroristes ou une religion de terrorisme et de chaos, et d'accuser le prophète de l'islam de ce genre de choses, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le prophète de la miséricorde. Et lorsque les anges sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la permission d'écraser les habitants de Mecca entre deux montagnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Peut-être, je leur laisse jusqu'à ce que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir de leur progéniture des gens qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne vont rien associer avec lui. Et donc ça c'est des exemples de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les hommes, et qui montrent que ce que les kuffars prétendent contre lui et contre l'islam n'a rien à voir avec l'islam et n'a rien à voir avec le message de ce prophète de la miséricorde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des exemples par rapport aux ruses des kuffars, et ça fait aussi partie des fitanes. Ça fait ça aussi partie des fitanes, bien entendu, qui sont parmi des fitanes parmi d'autres qu'on a mentionnées. Et il en reste d'autres aussi à clarifier, mais comme j'avais expliqué lors du premier cours, que ce ne sera pas possible, bien entendu, de compléter toutes les explications et de lire le livre en entier. On peut uniquement lire une partie de ça, mais bon, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on a lu ensemble, c'est quand même intéressant et bénéfique, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous cet effort qu'on fait, yani, et d'accepter ses œuvres. Et peut-être que, yani, au jour de la résurrection, on aura besoin de ces hasanat. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, qu'il nous donne al-ikhlas, qu'il nous donne la sincérité, qu'il fasse que tout ce qu'on fait comme action ou comme parole soit uniquement pour son visage et uniquement pour son agrément, et que on ne partage avec rien d'autre et personne d'autre aucune de ces actes-là. Donc, inshallah, on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. Ça m'a fait plaisir de passer ces quelques heures avec vous depuis hier, et puis bien entendu c'est une courte visite, mais inshallah on espère qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer encore dans l'avenir. Donc inshallah là je vais partir tout de suite, inshallah par la suite, pour retourner à Paris, puis demain je prends l'avion pour retourner au Canada. Donc astaghfirakumullah دينكم وأماناتكم وخواتيم وأعمالكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.